fan club français des New England Patriots partout, toujours. On est là. Bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast du fan club français des New England Patriots. Que ça fait plaisir d'être de retour pour ce podcast. Ça faisait bien longtemps et on a bien l'intention de revenir plus souvent cette saison. Et on va commencer de toute façon cette semaine par la draft. Mais avant, laissez-moi quand même vous présenter ceux qui vont m'accompagner. Ce soir, j'ai un habitué que vous avez sûrement déjà entendu, Pierre. Salut Pierre. Salut Cédric et salut à tous ceux qui ont le plaisir de nous écouter parce que nous, ça nous fait plaisir. Et un petit nouveau qui nous rejoint dans le podcast, c'est sa première aujourd'hui. Salut Nat. Salut Cédric, salut Pierre. Très content de faire ce podcast avec vous. Voilà, et bonne écoute à tous. On va revenir donc sur la draft, comme j'ai dit, on va redescendre un peu pic après pic. On va en même temps aussi parler un peu de l'off-season pour vous donner un peu le contexte à chaque fois. On va vous parler un peu des plus et des moins de cette draft, les interrogations. On va essayer de descendre poste par poste, même ceux qui n'ont pas été bougés pendant la draft, on va se poser des questions sur pourquoi ils n'ont pas été bougés, quelle explication on peut en avoir. Et voilà, on se donnera un peu le tour aussi des non-draftés, et comme ça on est parti pour, on va essayer une petite heure d'émission, et tout de suite on attaque par les premiers picks. Mais avant quand même de commencer par les premiers picks, je voulais quand même, messieurs, vous poser la première question. Si vous devez... Enfin, premier bilan, comme ça, à chaud, avant de rentrer dans le détail. On va commencer par toi, Nat. Qu'est-ce que tu retiens de cette draft très rapidement? Moi, j'ai bien apprécié. Je trouve que c'est une draft cohérente et logique. Pas très flashy, mais efficace, qui pense pour le court et le moyen et le long terme. Donc là-dessus, j'ai bien apprécié. Pierre? Moi, j'ai apprécié la draft aussi. Et j'ai trouvé que un truc qui m'a marqué, c'est qu'on a su monter deux fois intelligemment. Il y a un moment dans la draft où j'attendais peut-être un autre poste et du coup j'ai pas été satisfait. Et au global, très content de cette draft, ouais. Je vous rejoins, messieurs. Draft cohérente, sans être flashy. C'est sûr que des fois on attend tout de suite toujours des noms hyper flashy, hyper sympas. Ça n'a pas été le cas, mais cohérente, il y a quand même deux packages, il y a les picks à 2-3, vraiment où on sent on apporte de vraiment de la qualité et de la profondeur pour l'avenir, et les picks 5 à 7, où c'est un peu, voilà, on vise des joueurs, ils ont des qualités, si ça tombe du bon côté, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Par contre, un élément qu'on regardait juste avant de préparer cette émission, dans les picks 1 à 7, ben, alors, je passe effectivement sur le tackle et sur le quarterback, tous les autres ont une expérience en special team, et ça, dont on sait que ça fait partie des points clés chez les Patriots, c'est hyper intéressant de pouvoir avoir des joueurs tout de suite qui ont de l'expérience aussi dans ces special teams. Donc on y rentrera un peu plus dans le détail, mais c'est plutôt quelque chose de positif. Et après, quelques petites surprises effectivement sur un ou deux postes attendus, on verra lesquels un peu plus tard. Et puis aussi un poste qui n'a pas été recruté, mais on se demande bien pourquoi. Et pour ça, rendez-vous après le 1er juin, pour ceux qui auront deviné. Messieurs, on va commencer tout de suite donc par le premier pick de New England où ils ont choisi Caleb Lomu, left tackle, pardon, excusez-moi, où ils sont montés, tu l'en parlais très justement Pierre, où ils sont montés. Il y avait plusieurs pistes de tackle effectivement qu'on pouvait espérer côté Patriots. Au final, ils se sont rabattus sur Caleb Lomu, le dernier qui était disponible. Ils ont aussi du coup fait un trade-up pour justement aller le chercher. Et on va en profiter aussi pour parler du pic Demetrius Kronward, c'est un guard en tour numéro 6 avec le 196e choix. Aussi, comme ça on va pouvoir en même temps parler de tout ce qui s'est passé dans cette O-line, où notamment étaient constitués deux départs, Bradbury notamment, Lowe notamment, donc le centre, et donc ça va permettre à Wilson de se replacer dans l'axe, et en même temps Lowe, qui était donc le left tackle remplaçant de Campbell notamment. Messieurs, très rapidement, la draft de Lumu et de Cronward, Pierre, ça permet à la fois, donc, évidemment, on le suppose, et c'est ce que disait Crodon, que notamment Lumu pouvait jouer sur les deux postes de tackle, tant à gauche qu'à droite. On se doute bien que c'est pour remplacer potentiellement Moses, soit pendant la saison, s'il se blesse, soit préparer l'avenir, avec le départ de Moses sûrement l'année prochaine. Et ça peut aussi... Et ça peut plusieurs possibilités. Ça peut potentiellement être un garde-fou si Campbell ne fait vraiment pas l'affaire en left tackle, qu'il est repositionné en guard. Ouais, tout à fait. Il y a deux façons de voir les choses à l'avenir pour lui. C'est un côté ou l'autre, hein, forcément. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on a un talent brut qui arrive chez les Patriots, qui est franchement très bon. Déjà, qui a un physique irréprochable. C'est vraiment un très beau bonhomme. Et qui a un fort potentiel, avec peut-être une petite marge de progression liée au fait qu'il a un peu moins d'expérience que d'autres, avec seulement 3 saisons en universitaire. Mais voilà, on a un joueur qui pourra soit remplacer Morgan Moses, mais ça demanderait à ce qu'il change de côté, parce qu'il est surtout, left à l'origine, soit même remplacer Campbell en cas de besoin. Oui, c'est sûr que pour le coup, remplacer Campbell, c'est une possibilité qui n'est pas exclue. C'est pas la piste privilégiée par les Patriots, Campbell est le tackle gauche, mais pour le coup, c'est un joueur qui progresse chaque année, qui est en tout cas un vrai bout de potentiel, où ça reste un choix qui était attendu, cohérent, et qui va forcément faire du bien à cette ligne pour protéger Drake May. Alors moi, ouais, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un joueur que je voyais drafté beaucoup plus haut, donc c'est pour ça que je l'ai, dans les mocks que j'ai fait de mon côté, je l'ai quasiment jamais drafté, en pensant qu'il serait déjà parti. J'ai même vu le journaliste américain Dan Brugler de The Athletics dire qu'il y avait plusieurs équipes qui étaient sur son dossier et qui étaient prêtes à faire un trade-up pour l'avoir. Donc j'ai trouvé le move déjà de faire ce trade-up très bien. Et en plus, pour aller chercher Caleb Lomu, encore mieux, je trouve. Moi, je pense que ça va vraiment être notre tackle du futur là-dessus. Notre tackle droit, je veux dire. Et pour ce qui est de Demetrius Crownover, ce que j'ai bien aimé, c'est ce que Ryan Coden a dit. On a jamais assez de profondeur à ce poste, en fait. On a jamais assez de profondeur. Et j'aime bien l'agressivité qu'ils ont eue, en fait, 2 ans de suite. L'année dernière, ils draftent aussi Marcus Bryant en tackle. Et là, cette année, pareil, ils font la même chose. Ils draftent 2 tackles. Donc j'espère que, voilà, sur les années à venir, on n'aura pas besoin de se soucier de la profondeur à ce poste-là. T'en draftes 2, 4 en 2 ans. Donc c'est, je trouve ça super. Donc voilà, moi je suis très content de ce pic et du pic aussi de Demetrius. Demetrius, pour le coup, est un... Alors ça paraît peut-être un peu bizarre, c'est un ancien tight end. Donc potentiellement dans les stratégies avec un swing tackle et tout, ça peut être hyper intéressant. Lui qui a un peu d'expérience de tight end, Mike Daniel peut nous sortir un peu des jeux, c'est un peu pratique. En tout cas spécial là-dessus. Quand même sur Crowder, parce qu'on n'a pas à parler. Gabarit hyper dominant, long bras, assez lent, et au final, en fait, où on pensait que pendant la draft, on allait recruter un guard, parce qu'il faut garder en tête que Max est à aujourd'hui sa dernière année de contrat, on n'a pas, les Patriots n'ont pas drafté de guard, donc il faut voir ce que ça va donner à l'avenir, comment ils voient sa position, est-ce que c'est une re-signature de Mike, est-ce qu'ils attendent la prochaine draft, mais en tout cas, voilà, Demetrius va jouer, clairement, c'est un rôle de tackle, il n'est pas là pour jouer guard, très curieux de voir, alors ça reste un peu mobile. D'ailleurs, en parlant de... Donc, on va voir ce que ça donne, espérant qu'il ne soit pas battu par des... Comment ça va se passer face à des edges plutôt rapides. D'ailleurs, en parlant de Lumu, ce qu'on n'a pas précisé, aussi un de ses points faibles, c'est qu'il a tendance à abandonner très vite les jeux. Donc, faire attention aussi de ce côté-là, ce qui reste concentré, qui joue le jeu jusqu'au bout. Dont on sait surtout notamment qu'un Drake May peut être vite très mobile en dehors de sa poche, dans certaines situations. Il faudra voir si, effectivement, nos deux tackles draftés seront capables de s'adapter aussi au jeu des Patriots. C'est la mobilité de Drake May qu'il peut avoir en dehors de sa poche. Après, si je peux rajouter un truc, Je t'en Rapidement, prie. c'est sur ces deux joueurs-là, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas trop de pression là actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà nos titulaires et ils sont vraiment là. Genre, Lomu, ça va être notre swing tackle slash jumbo tight end dans certaines formations comme j'ai vu Vedarian Low l'année dernière. Et Demetrius, ça va vraiment être le swing tackle si Lomu, s'il y a vraiment une grosse blessure de la saison de nos deux tackles. Donc franchement, ils n'ont pas vraiment de pression. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient vraiment développés en interne avec nos coachs de la O-line. Et voilà quoi. Après le reste, je pense que ça suivra. C'est clair que, comme tu dis, ils n'ont pas de pression. Ils ont été, je pense, recrutés au bon moment parce qu'ils viennent pour l'avenir. Et on peut se dire aussi que s'ils font le job et s'ils se préparent bien, qu'ils progressent, on a un vrai problème en moins sur les drafts dans les années à venir, du moins au moins l'année prochaine. On sait qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un tackle en priorité, sachant qu'on aura potentiellement du banc derrière des titulaires. Alors, on ne sait pas encore si on aura encore Moses après cette année, mais en tout cas, on aura du monde. Et je pense que c'est plus simple de drafter des guards que de drafter des tackles. Donc si on a, si, donc En des, plus. ça nous permet de potentiellement de vivre entre guillemets avec des picks de leur rendre plus lointain pour drafter un guard que de s'assurer d'une nécessité d'avoir des hauts choix de picks, notamment pour faire des tackles. Surtout si on vient avec des trades à se séparer de hauts choix de draft. Déjà, si on s'assure un peu avec les tackles qu'on a aujourd'hui. Ça, effectivement, ça nous évitera peut-être d'avoir nécessité absolue d'avoir un choix de premier tour ou de deuxième tour. Bon, l'idée, c'est pas de le perdre, mais selon les événements qui peuvent arriver prochainement, ça peut aussi permettre d'anticiper ces choses-là. Messieurs, est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose sur nos deux tackles ou on passe peut-être à... Bon, on peut préciser quand même que Lomu, il a concédé aucun sac sur la saison passée. Alors, il n'a pas Ce fait qui est quand beaucoup... même Alors, une oui, mais il a pas eu non il a plus de concédé des des masses pressions d'opposition non plus. Je crois qu'il a fait que non Texas plus. Oui, A&M, vraiment. fait sac sec aussi. Il a joué contre David Bailey et Romello White. C'est bien, mais bon, je me méfie quand même toujours de ce genre de statistiques. Il faudra voir ce que ça va donner Bien par la sûr. suite. Mais en tout cas, voilà, ce sont des profils quand même qui sont à développer. Il ne faut pas les attendre starters tout de suite. Mais c'est bien, on a le temps. Pour le coup, on a Moses, on a la ligne. On va pouvoir déjà travailler avec Wilson, déjà réaxer en centre. On a aussi, il ne faut pas oublier, quand même un guard, quand même, rapidement, messieurs. Parce qu'on a dit qu'on ferait aussi un tour un peu de ce qui s'est passé pendant la saison. La signature. Ouais, on a la signature de Vera Tucker en guard, qui Exactement. malgré un profil à blessure, apporte quand même un renfort indéniable. Et puis on a toujours Mike fidèle au poste, Ben Kaiden Brown. Wallace Ben Brown qui a été monté un tour, re-signé. Tout Ben l'enjeu, de toute Brown façon, tout aussi. l'enjeu, ça va être Wilson qui va enfin jouer à son vrai poste. Parce que comme au college, il a joué que centre, on va voir ce que ça va donner. Donc il y a quand même un vrai enjeu par rapport au centre et la connexion avec Drake May. C'est déjà un premier enjeu, ça il faut pas l'oublier aussi. Et puis bah, les autres tackles vont pouvoir se former tranquillement pendant une saison. Et ils joueront forcément avec les blessures qui arriveront au fil de la saison. Voilà, donc en théorie, on aurait pour démarrer la saison, si tout se passe bien, bien entendu, une ligne avec Campbell, Vera Tucker, du coup, qui a été recruté, Jared Wilson qui repasserait centre, Mike Onwenu en guard à droite, et puis Moses à droite en tackle. C'est ça, avec un Lomu tout de suite derrière pour remplacer les deux postes de tackle et voir effectivement comment ça se passe après, qui pourra remplacer le guard, etc., etc. Donc on a un peu de marge, ça fait plaisir sur quoi travailler et avoir potentiellement une ligne qui est globalement encore, qui est jeune et qui va pouvoir enfin travailler sur la durée avec Drake May pour assurer une bonne protection et éviter de subir, comme la saison dernière, un peu trop de sacs. Messieurs, on va basculer doucement vers le deuxième pick de cette draft pour les Patriots, qui est peut-être le un des noms, si ce n'est le nom aujourd'hui peut-être le plus marquant de cette draft pour les Patriots. C'est donc Gabe Jackass qui joue sur le poste de Edge. C'était un très très gros besoin de la part des Patriots aussi, en plus du tackle droit. Il a été donc pick en 55, là aussi de mémoire sur un trade-up. Donc pour le coup, les Pats le voulaient, clairement. C'est un pass rush plutôt dans l'axe de mémoire, mais en tout cas, il est capable. En tout cas, il peut apporter. C'est peut-être un des seuls joueurs qui va. En tout cas, c'est le joueur qui va apporter potentiellement le plus cette saison, la saison prochaine, clairement. Déjà parce qu'il y a des besoins. C'est encore un joueur starter, ouais. Donc, c'est clairement un joueur qui peut vite être Qui peut tout de starter suite pour être prêt vous. pour l'année. Exactement. Nat, est-ce que tu veux en dire un mot de Gabe Jackass? Oui, complètement. Déjà, ouais, je voulais dire, c'est Gabe Jackass, le J, il se prononce pas en fait. Pardon, Yakas, Ouais, c'est Jackass pour nos auditeurs. Et alors, ouais, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Déjà par son profil, il a une bonne taille, un bon poids. Il y a son aussi son background avec le wrestling, la lutte. Il faisait de la lutte au lycée, c'était un champion d'État de lutte. Donc ça, sur le poste de edge, en termes de flexibilité, de bend, ça peut être hyper intéressant. Et il a une violence dans ses mains, une violence dans son punch qui est hyper impressionnante sur son bull rush. Donc, je suis un peu étonné qu'on ait pris un profil comme ça. Quand Elliot Wolf, il avait annoncé qu'ils étaient plus sur un, ils recherchaient plus un profil de speed rusher, mais je suis très content qu'on tombe sur un joueur pareil parce que c'était un joueur qui était quand même mock très très haut dans le haut du second tour ou fin du premier, donc vraiment mocké très très haut dans cette draft. Grosse Et personnalité aussi, il faut pas oublier, c'est un capitaine à Illinois et tout, donc grosse personnalité aussi. ouais. Complètement, ouais, complètement. Donc un leader en plus. Et donc oui, du coup, ouais, moi je suis très content de ce pic. Pierre, pour le coup, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je rejoins Nat, c'est un vrai pass rusher, c'est un monstre. Surtout, voilà, c'est assez rare d'avoir des joueurs comme ça au deuxième tour qui sont prêts pour la NFL, c'est-à-dire 100% prêts. Voilà. Après, il n'a pas forcément, il n'est pas forcément très bon contre la course, mais c'est pas ce qu'on va lui demander. Donc voilà, moi je suis très satisfait de ce pic. Il va vraiment apporter beaucoup, quoi. Et puis c'est pas le seul edge aussi. Hein. On va parler rapidement aussi du dernier choix de sa draft des Pats. L'autre edge qui a été drafté, pour le coup, lui, il reste à Boston, vu que c'est un joueur de Boston College, Kentavious Hutchins. Pour le coup, lui, c'est un joueur qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus explosif. Alors certes, c'est un joueur de 7e tour, donc aussi un leader, aussi un capitaine de son équipe, donc au moins beaucoup de leadership. Joueur de Special Team. On verra ce que ça va donner. C'est un septième tour. Ouais, C'est. c'est un profil un peu limité physiquement pour le moment. Hein. Il devra peut-être se développer un peu. Il n'est pas très grand. Le poids, c'est pas encore ça. Mais par contre, il est hyper rapide. C'est un espèce de pari, mais ça apporte vraiment quelque chose en plus. Je trouve que c'est un bon pick pour un dernier pick de draft. C'est un très bon pick. On recrute quelqu'un qui est déjà à l'aise dans la région. Parce que bon, c'est un détail, mais il fait pas toujours très beau à Boston, donc recruter des gens qui viennent du coin, c'est pas si mal pour les périodes d'hiver. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon pick pour un dernier pick de draft. On va pas s'engager tout de suite sur le fait qu'il apporte quelque chose en tant que starter prochainement, Oh, mais on en est loin pour voilà. l'instant. Déjà qu'il fasse la rotation, qu'il soit dans les 53 déjà. Il était en fait l'un des meilleurs special teamers de Boston College. Donc, pour rejoindre ce que tu disais en introduction, là, on a un vrai apport en special team. Oui, Nat, et puis pour le coup, c'est pas comme si Vrabel est le coach de la Mike Smith. Le coach des outside linebackers ne l'avait pas testé pendant le Pro Day, où là, il y avait eu tout le monde, donc ils ont eu le temps aussi de le tester et de l'observer. Exactement. Moi, c'est un joueur que j'aime bien aussi. Après, voilà, c'est un pari hein, au septième tour. Faut pas lui en demander trop, mais j'aime bien déjà le profil physique parce que certes, oui, il est léger, mais il a une longueur de bras. Ça se voit quand on le voit jouer, où il peut vraiment utiliser cette longueur de bras pour l'utiliser dans son pass rush. Donc, ça peut être intéressant. Après, moi, ce que j'aime bien en fait dans cette draft, que ce soit avec les tackles et même les edge, c'est le fait d'avoir double dip comme ça, d'avoir pris deux joueurs. Ça permet de créer de la compétition en interne pendant les training camps, que ce soit que sur la position de O-line ou sur la position de edge, il va y avoir beaucoup, beaucoup de compétition parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs. On se souvient que l'année dernière, ils ont quand même drafté Bradryn Swinson et qu'en UDFA, on a eu Elijah Pounder qui a fait une super saison. Donc ça quand même ça a rajouté du monde par-dessus. C'est bien, ça rajoute de la compétition, donc ça fait que ça peut faire que élever le niveau global de l'équipe, je trouve. Donc j'aime bien. Et puis j'aime bien du coup le duo avec Yakas, qui a un profil un peu différent. Donc c'est assez complémentaire avec ce qu'on peut avoir dans le reste de l'équipe. Oui, là, ça va être des profils hyper intéressants de voir un peu ce que ça va donner dans ces camps, les découvrir et voir évidemment ce qu'ils vont donner au niveau NFL. Pour le coup, on avait Et un on a gros encore un sommaire. joueur qui a un bon leadership, Cédric. Là, Oui. on a parlé de leadership tout à l'heure sur Akas, je crois, ou sur. Oui, sur Non, mais en Yakas, tout tout à fait. cas, Sur Yakas, voilà. pardon. Et Chin est aussi un joueur qu'on connaissait pour son rôle de leadership. Donc oui, donc pour le coup, ça va être hyper intéressant de les voir dans le camp, de les voir évoluer, qui s'adaptent au monde de la NFL, qui s'adaptent aussi à comment contourner les tackles ou les guards pour aller notamment viser les QB adverses. Et à part si vous voulez rajouter un mot sur ces deux edges, messieurs, on va passer au troisième pick de ces New England Patriots, qui pour moi, en tout cas, était un vrai, vrai besoin. On a aussi Hooper qui était parti. On a Hunter Henry qui est dans sa dernière année de contrat. Alors certes, les Patriots ont recruté un tight end pendant cette free agency pour justement combler notamment le départ de Austin Hooper. Tight end Julian Hill, qui pour le coup a un profil à la base un peu pour remplacer, je pense, Austin Hooper, qui est plutôt dans tout ce qui est block tight end. Et donc les Patriots ont recruté le tight end de Notre-Dame, Eli Raridon, 22 ans, grand par la taille. Donc ça, dont on sait que ça va être, c'est hyper important pour Tacmé, lui qui a tendance à lancer ses ballons haut, voire très haut, d'avoir un tight end hyper grand. Ça, c'est quelque chose de beaucoup hyper positif. On verra quel est son plafond. Est-ce que c'est ce qui peut devenir un tight end numéro 1, ou est-ce que c'est très limité, ça restera un tight end numéro 2, et donc il manquera toujours ce tight end par la suite. Il est capable de bloquer, il est capable d'apporter aussi à la réception. Donc c'est un bon jeune, il va pouvoir apprendre pendant une saison derrière Hunter Henry. On verra, ça va faire du bien, on va voir comment aussi son interaction avec Drake May va pouvoir se développer au fil de la saison. On va voir ce qu'il va montrer. On sait que les tight ends de Notre-Dame ont souvent pour le coup toujours apporté des tight ends tout à fait correct en NFL. Donc ça va beaucoup apporter pas mal de choses. C'est un projet, on verra son potentiel au fil de la saison et des saisons à venir. Mais c'est un beau potentiel à développer. Et on verra quel est son plafond. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt une bonne pioche. En tout cas, ça correspond bien au style de tight end qui colle au jeu de Drake May, Nat. Alors moi c'est un pick que j'adore aussi. Déjà ouais, comme tu l'as dit, c'est un profil physique qui est hyper impressionnant. Je pense qu'il nécessiterait quand même qu'il prenne un peu de poids, parce qu'avec cette taille, il faut remplir un peu la carcasse, je pense, et ça pourrait lui permettre d'être encore plus intéressant sur la protection sur le jeu de course. C'est un joueur en fait que j'aime bien. Déjà en fait, faut rappeler que sur le second tour et le troisième tour, il y a eu un run sur les tight ends. Il y a eu plein de tight ends qui ont été draftés. Et je trouve qu'on tombe nous sur le tight end qui est peut-être potentiellement le plus complet de cette QV. Je dis pas forcément qu'il a le plus haut potentiel, mais je trouve que par sa taille, son profil athlétique et ce qu'il peut apporter sur la protection à la course, et en plus ce qu'il peut apporter sur les tracés intermédiaires et sur les tracés seam que Drake May il aime tant. Je trouve que c'est l'un des profils les plus complets là-dessus. Il faut aussi rappeler un détail. Je crois que c'est le joueur qui a les mains les plus grosses mains, au moins dans le top 5 des plus grosses mains de toute la QV de cette draft-là. Il a des mains qui sont plus grosses que certains O-line. Donc je trouve que ça, c'est aussi un point positif, parce que on imagine vraiment des match-ups en red zone où tu fais un 1 contre 1 et un peu comme au basket, une sorte de alley-oop où tu vas Drake May qui va la lancer directement dans ses mains et il peut vraiment tout attraper, quoi. Tu Le parles seul de Léo, problème avec lui, je c'est un dirais. ancien basketteur. Préciser, c'est un ancien En basketteur plus. au collège. En plus, ça, ouais, à souligner, bah, les deux, hein, Drake May et lui, deux anciens basketteurs. Et un dernier truc que je voulais souligner dans les points d'interrogation sur ce joueur-là, c'est bah, déjà, en fait, il revient, bah, ça date un petit peu, mais sa dernière année de high school et sa première année freshman à Notre-Dame, il s'est fait deux fois les déchirures des ligaments croisés du genou, sur le même genou en plus. Mais après, il a quand même réussi à faire ses 3 saisons. sans blessure. Donc, je pense que ça, pour moi, je trouve ça que c'est un point positif. Et après, on va dire que sur ces trois saisons, l'autre problème, c'est le niveau de production. Il n'a pas énormément produit. Il a très peu de touchdowns. Je crois qu'il a moins de 700 yards à la réception. Donc, c'est peu. Mais bon, après, je trouve que c'est un projet qui a énormément de talent et qui, je pense, qu'il peut être un meilleur pro qu'un meilleur prospect NCAA. Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je vais dire que je suis satisfait de Haridon. Mais que, évidemment, j'aurais préféré avoir un Delp qui est sorti 20 tours plus tôt. Mais 20 tours plus tôt, ça fait qu'on peut pas vraiment avoir de regrets. On l'aurait de toute façon pas eu, mais voilà, j'estimais que Raidon peut-être avait un peu moins d'expérience et était un peu moins prêt pour la NFL. Et un peu moins solide d'ailleurs, si on peut continuer la comparaison avec Delp. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que Delp correspond très bien à Drake May. Il a un profil qui convient bien. Les grandes mains, comme le disait Nat, c'est un vrai avantage. Maintenant, il a certainement besoin d'affiner un peu sa technique. Et puis, bah oui, de se préparer pour la NFL parce que physiquement, ça peut être un peu juste aujourd'hui. Mais voilà, je suis quand même satisfait. Ça fait un bon numéro 2 derrière Henry parce que bon, je numéro 2 ou numéro 3 Moi j'irais prendre un salon aujourd'hui plus numéro 3. C'est un numéro 3. C'est foncièrement un numéro 3, mais je compte pas forcément. Comment dire, il c'est un profil un peu différent. Mais en tout cas, c'est un bon apport, c'est un très bon apport. Est-ce qu'on peut dire de lui que c'est un Hunter Henry en beaucoup plus jeune? Alors, est-ce qu'il aura le même niveau de potentiel? Je ne sais pas, mais... Peut-être qu'il peut devenir un Hunter Henry, c'est sûr. Après, est-ce que, justement, Julian Hill ayant un profil bien plus de bloqueur, c'est pour ça que je disais Eli Raridon, c'est peut-être le numéro 2 d'Henry, mais peut-être peut-être que c'est un futur Henry, mais on espère aussi qu'il sera meilleur bloqueur qu'Henry. Oui, moi, si je peux juste rebondir par rapport à ça, je suis complètement d'accord. Moi, je pense qu'il a un plus haut potentiel en termes de tight end complet qui peut apporter autant par sa technique de bloc que son jeu en tant que receveur. Mais là, clairement, pour moi, je pense que c'est le numéro 2 pour le moment. Et il n'a même pas besoin en fait, d'être plus pour le moment, étant donné qu'on a encore Hunter Henry. Voilà, c'est tout. C'est vrai que ça fait... En fait, ils vont être complémentaires. Tu vas avoir Hunter Henry qui va continuer à jouer ce rôle de joker et d'homme de confiance de Drake May. Pour pallier au problème de bloc d'Henry, bah, on n'aura juste plus besoin de compter sur lui pour bloquer, ou du moins juste le minimum syndical, et on pourra faire appel à Julian Hill. Et on a Eli Raridon derrière qui est en effet, je pense, un vrai numéro 2 et qui pourra monter en puissance gentiment pendant l'année. Et comme on le disait tout à l'heure sur les tackles, bah on amène un joueur qui, à première vue, sur la première année, n'a pas de pression, a juste à se concentrer sur la progression et les efforts qu'il a à faire pour se mettre au niveau de la NFL et potentiellement devenir meilleur qu'Henry plus tard. Oui. Attention, je pense que Julian Hill, le staff, il compte aussi beaucoup. Il a quand même signé un beau contrat de 3 ans, bien garanti, bien complet. Donc, pour le coup, je pense que le staff a aussi beaucoup compté sur lui pour essayer de le développer et être un peu plus menaçant qu'à peut-être un Hooper pour peut-être évoluer vers des jeux à deux tight ends. Le retour des jeux à deux tight ends au niveau des Patriots, c'est ce que Matt Daniels va pouvoir aussi faire. Je suis d'accord. Je pense qu'ils veulent revenir à ça, à ces formations à double tight end. Mais pour moi, Julian Hill, il est vraiment là. En fait, il va pas du tout être utilisé comme Hunter Henry. Il va vraiment être utilisé sur le jeu de course avec une des formations où tu as Reggie Gilliam aussi sur le terrain, où ils veulent vraiment, même une position où tu as Caleb Lemou en plus pour vraiment renforcer cette espèce de vraiment être une arme en puissance sur le jeu de course. Mais je le vois pas menacé, je le vois pas être menaçant ou menacé en tant que receveur. Il a trop de lacunes et je pense et j'espère par rapport à ce contrat-là qu'il est meilleur que Austin Hooper, parce que Austin Hooper de base c'était pas non plus un tight end bloqueur, hein, c'était un tight end receveur qui bloque mieux que Hunter Henry, mais qui n'était pas non plus un excellent bloqueur. Alors quand on aura aussi beaucoup, on en reparlera au moment du running back et de la sélection de Jan Miller, le fullback qui a été récupéré de chez Bills, je pense que c'était un énorme atout, parce qu'on a vu ce qu'il est donné à Buffalo pour le jeu au sol des Patriots. On y reviendra un peu tout à l'heure. Messieurs, un dernier mot. Est-ce que vous avez un dernier mot, pardon, sur le tight end, pardon. Ouais, je voulais juste rajouter un truc. Étant donné que tout à l'heure on a fait les tackles en même temps, bah et même les edges en même temps, on peut aussi parler de Tanner Arkin. Donc lui, c'est pas un drafté, mais c'est un undrafted, mais c'est aussi un tight end. Et moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je l'avais mock sur plusieurs de mes drafts en fin de 6e, 7e tour. Vraiment tard, mais qui a un profil, lui, uniquement de tight end blocker. Et je pense que bah, dans notre room de tight end, on a aussi CJ Dupree, qui était aussi un undrafted l'année dernière, qui venait d'Alabama, qui était aussi un profil similaire. Mais je pense qu'il peut vraiment se battre pour la position de dernier tight end sur l'équipe, si jamais au training camp, on en garde 4 au lieu de 3. Et il a vraiment, je pense, sa place à se faire par son talent de blocker. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas Marshall Lang qui vient d'être libéré au moment où on enregistre cette émission. Messieurs, je vous propose une toute petite respiration d'une dizaine de secondes et on attaque peut-être le choix le plus surprenant de cette draft. Après une longue attente, pour ceux qui ont suivi la draft en direct entre le 3e et le 5e tour, parce que les Patriots n'avaient plus de 4e tour étant donné qu'ils s'en sont servis pour trade-up les deux premiers choix, est arrivé donc au 5e tour le pick 171 et les Patriots ont décidé de drafter un cornerback, Kyron Prunty. Alors là, messieurs, on va pouvoir en discuter un petit peu. Choix qui a surpris beaucoup de monde au départ. Alors, on va quand même expliquer pourquoi les Patriots aussi ont drafté un corner, parce qu'il y avait des besoins. Si on met un peu plus en parallèle aussi, on a Carlton Davis qui, contractuellement, n'aura plus beaucoup d'argent garanti à partir de la fin de la saison prochaine. Donc, potentiellement, il y a aussi une optique peut-être de remplacement à l'avenir. Donc, il faut aussi penser à cela. C'est un joueur qui est rapide, qui est grand par sa taille, qui a en tout cas apporte ces qualités-là. Après, il n'a qu'une seule saison à haut niveau. Il faut voir s'il est régulier. Il a 24 ans. Donc, pour le coup, il a aussi beaucoup fait d'années quand même en collège. Donc, il a quand même, même si il a une seule saison qui est peut-être un des plus gros collèges, il a quand même une sacrée expérience. Petit point d'alerte, il a beaucoup aussi vadrouillé dans les collèges. Donc, ça peut aussi se poser certaines questions. Petit point, c'est de mémoire, c'est un joueur que connaît bien notamment coach des corners, parce que de mémoire, il a voulu, quand il était encore coach au collège, notre coach du staff actuel, voulait le recruter. Je crois que c'était Virginia Tech, si je ne dis pas de bêtises, et vous me corrigerez, messieurs, si je dis une bêtise. Il a voulu le recruter à l'époque, oui, en sortie d'high school chez Virginia Tech. Donc, c'est un joueur que notre coach connaît bien, pour le coup. Donc, qui a sûrement dû garder un œil sur lui au fil de ces années. Messieurs, pic surprise. Alors après, pic surprise, si je vous compare par rapport à l'année dernière, Craig Buxton était aussi un pic surprise. Et au final, c'était peut-être un des meilleurs rookies la saison dernière. Messieurs, Pierre, pic surprise, mais ouais, pas assez incohérent pour les Patriots. Alors, c'est sûr que si on analyse un peu pourquoi on l'a pris, c'est cohérent. Maintenant, c'est vrai que le soir de la draft, ça fait quand même un petit choc. Après tant d'attentes, en plus, pour rien arranger, on était en train tous de se chauffer pour d'autres postes, sur d'autres joueurs, on voyait des noms sortir, etc. On ne s'attendait pas forcément à ça. Maintenant, ça s'explique. Ça s'explique par le fait que, en effet, il y a une vraie appétence pour l'un de nos coachs d'aller le chercher. C'est quand même un point à prendre en compte. Hein. On n'est pas recruteur ni coach des Patriots, donc on n'a pas forcément notre mot à dire et on peut que faire confiance en le staff. Et puis, on a un vrai special teamer, en fait, avec en plus une capacité à remplacer au poste de cornerback si besoin. Voilà, il y a un vrai, on couvre un vrai besoin en special team en fait avec ce joueur-là. Donc en fait, sur un cinquième tour, c'est cohérent. C'est juste surprenant, sachant qu'on n'avait pas pick au quatrième tour et que c'est que le quatrième joueur qu'on recrute pendant la draft. Mais voilà, on peut se dire que c'est cohérent. Ouais. Nat, joueur cohérent, joueur en tout cas agressif, attention au risque de pénalité, notamment d'interférence de passe aussi, pour ce corner drafté par les Patriots. Alors du coup, ouais, je suis d'accord avec vous. Hein. Surpris. Bah, je me souviens, moi je voulais Cyrus Allen à ce niveau-là et il a été drafté après. Donc tant pis. Après, ouais, comme tu l'as dit, je pense que c'est aussi les affinités avec le staff. Il a fait une top 30 visite. Notre coach Justin Hamilton, il a voulu le recruter quand il était à Virginia Tech. Donc il y a un lien et je pense que ça, c'est quand même à prendre en considération. Moi, ce que j'aime bien aussi sur ce joueur, c'est un profil qu'on n'a pas vraiment en fait dans le roster quand on regarde bien notre room de corner. On a Carlton Davis et en fait après un profil comme ça on n'a pas vraiment. C'est-à-dire qu'après on a signé là cette année Kendall Vildor mais qui est plus petit. On a Charles Woods qu'on a allé chercher sur le waiver l'année dernière chez les Rams qui est plus petit aussi. On a drafté l'année dernière Kobe Miner qui est aussi plus petit et assez frêle physiquement. Marcellus Dial qui revient lui de blessure, qui s'était blessé au genou, donc on peut pas trop compter sur lui. Donc c'est vraiment une room qui est, à part Christian Gonzalez et Carlton Davis, qui manque cruellement de taille. Moi, ce que j'aime bien au-delà de sa taille aussi, c'est sa rapidité. Il a aussi une certaine agilité. Il a des hanches qui sont plutôt fluides. Je lui ai pas non plus de tant de pression que ça à se dire, bah il faut absolument que ça soit notre corner 3 ou un corner de rotation direct. Je pense surtout qu'il va d'abord faire sa place en special team. Mais je trouve que sur peut-être l'année 2, ça, c'est un potentiel intéressant à regarder pour potentiellement prendre la place de Carlton Davis juste par son profil physique. Oui, de toute façon, messieurs, on en parlait à chaque fois dans chaque joueur. Il n'y en a aucun, à part peut-être Akas, il n'y en a aucun qui aujourd'hui n'a pas le temps, qui a le temps de se former, au moins sur une saison, voire deux saisons, d'apprendre à jouer en NFL et à se développer tranquillement de ce côté-là. Donc oui, profil en tout cas ouais, qui demande à voir, on va dire comment il va évoluer. Clairement, c'est un joueur qui va remplacer notamment Austin, qui est parti pendant la saison, mais en tout cas voilà, sur les corners vraiment extérieurs, qui va apporter un peu de profondeur aussi. Ça fait partie un peu de ses clés à la sortie de cette draft, de la profondeur, du talent au niveau de tous les postes de la profondeur. Voyons ce que ça donne sur la durée, déjà au niveau des camps, voir comment il va se battre et s'il va montrer de bonnes choses ou pas. Si vous n'avez pas d'autres choses sur ce poste-là, messieurs, on va passer tout de suite. On peut dire qu'il a fait quelques interceptions pendant sa carrière, qu'il est un peu comparé à Craig Woodson. Enfin voilà, on a quand même... quelque chose de, voilà, comme on a dit, de cohérent. Il va falloir qu'il progresse, qu'il apporte, pour apporter vraiment quelque chose en backup, il y a une vraie marge de progression, par contre, tu vois. S'il doit remplacer Carlton Davis, il a intérêt à bosser, quoi. Mais c'est un pic, voilà, cohérent. Je dirais pas que je suis hyper content, mais cohérent. C'est comme certains l'appellent un wait and see pick. Et puis on verra de quel côté la pièce va tomber. De toute façon, les pics entre les tours 5 à 7. On est au cinquième tour. Hein. Voilà, voilà, entre le cinquième et septième tour, c'est des pièces qu'on jette en l'air et on verra bien si on tape dans la cible ou pas. Voilà, c'est aussi parce que c'est que notre quatrième joueur. Donc on a un avis un peu biaisé, mais ça reste qu'un cinquième tour, un 171. On ne pouvait pas non plus espérer avoir un cador à ce niveau-là. Et du coup, tout en s'y trouvé, c'était le quatrième choix et on va passer tout de suite dans. Le cinquième étant Demetrius Crowder, pardon, on évoquait déjà. Et surtout celui qu'on attendait, le poste qu'on attendait plus dans ces zones-là, rapidement, c'était le poste de linebacker. Il y a tout à en parler. Comme c'était un pic qu'ils allaient faire en jour 3, donc il y a bien eu un pic de linebacker, mais c'est peut-être pas le profil qu'on attendait au départ de ce pic-là. Donc je parle du pic qui a été fait en 212. Nandi Obiazor de TCU, joueur de Special Team, pour le coup qui a énormément plu à notre coach de Special Team, clairement, gros profil physique. Pour le coup, de vraies qualités d'athlétique. C'est peut-être pas un profil qui va forcément être un linebacker intérieur, mais qui va apporter de la rotation, aussi en special team. On verra ce que ça va donner. Nat, qu'est-ce que tu penses de cette draft, de ce linebacker? Moi j'aime bien, je pensais pas qu'on allait partir sur ce type de joueur-là. C'est un ancien safety qui a été reconverti en linebacker. Donc nous on connaît bien, hein, étant donné qu'on a drafté Martin Mapou il y a quelques années. Ce que j'aime bien en fait sur ce profil-là, il y a deux aspects. C'est déjà son aspect athlétique. Il peut vraiment en fait couvrir sideline to sideline. Il est très très bon contre la course, mais il est moins bon en fait contre la passe malheureusement, où il a des lacunes de réaction et plus en fait lié à la tactique, on va dire un IQ football qui est peut-être un peu plus mitigé pour le moment. Je pense qu'il peut progresser. Et en plus de ça, il n'a pas besoin là actuellement de starter pour le moment. Il va surtout jouer en special team. Et un autre aspect aussi, bah du coup, ouais, voilà, c'est la special team. Et par rapport à notre room, je remarque en fait, il y a vraiment beaucoup, quasiment tous nos linebackers, ils sont passés par cette case-là. Que ce soit Robert Spillane, en fait, quand il était chez les Titans en undrafted avant de pouvoir être un starter quand il allait chez les Steelers, c'était un genre de special team. Christian Ellis, avant qu'on le récupère, il était chez les Eagles et c'était vraiment que les special teams. Chad Momes, c'est pareil. Il était chez les Jaguars et après chez les Colts, il a fait de la special team. KJ Britt, pareil, chez les Dolphins, il a fait de la special team à fond. Et là, en fait, on draft un joueur pareil qui a vraiment une grosse aptitude pour les special teams, mais qui peut, je pense, amener quelque chose, une rapidité déjà supplémentaire qu'on avait pas vraiment à part Christian Ellis, parce qu'on se souvient le joueur qui est parti chez les Cardinals, notre autre linebacker là, j'ai plus son nom actuellement, mais bon c'est pas grave, qui au Super Bowl s'est fait complètement laver par le tight end, où lui il avait une limitation en tout cas. Gibbons? Ouais, Gibbons, voilà. J'avais perdu son nom, Gibbons. Jake Gibbons, qui avait des limitations en couverture. Et je pense que là-dessus c'est le trait sur lequel j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur pas forcément sur l'année 1 mais sur l'année 2. Pierre, ton avis? Non, bah, je trouve que il était urgent à ce moment-là de la draft, ouais, de répondre aux besoins linebacker. On aurait peut-être espéré, nous, à ce moment-là, on parlait d'Harold Perkins, d'Aiden Fisher qui est sorti bien plus tard. C'est des joueurs qui étaient encore dispo, mais voilà, ils ont choisi Obiazor. Ça me convient très bien. Je trouve qu'il vient combler le vide laissé par Gibbons, Tavaï et Mapou. Il a quand même une longue carrière universitaire parce qu'il est passé par les JUCO 2 ans avant d'aller à TCU. Alors certains diront qu'il a mis du temps à arriver au niveau et qu'il est peut-être au plafond. On peut voir aussi le fait que ça lui donne pas mal d'expérience. Donc c'est aussi un wait and see évidemment, mais je trouve que c'est un bon pick et on avait de toute façon besoin d'aller chercher un linebacker. Alors tu disais tout à l'heure qu'il pouvait pas jouer à l'intérieur. Moi, je l'aurais vu comme un prétendu inside linebacker quand même. Je sais pas dans un premier temps s'il Après, jouera. non. Non. Voyez, on en manque tellement de rotation qu'il forcément il jouera sûrement à des postes comme ça, mais c'est vrai que. En fait, il va pas être middle linebacker. Je pense que c'est pas un profil de middle linebacker, mais par rapport à son agilité, sa rapidité, s'il est bien coaché, je pense que ça peut être un weak side linebacker. Donc le linebacker juste à côté. Donc dans tout cas, ça sera un inside linebacker et ça sera pas un outside linebacker comme Ouais, c'est Lucas ça. ou Hutchins. Voilà, c'est plus un inside. Et une chose qu'on se disait en off, Nat, pendant toute la soirée de la pendant ces soirées de draft, c'est qu'au final, le staff, j'aimerais que tu en dises un peu à nos auditeurs là-dessus, je pense ils ont énormément confiance en eux pour développer des linebackers. Et donc, ça ne les gênait pas d'attendre si tard que ça pour aller chercher des linebackers avec des profils bien spécifiques pour le coup. Parce que je pense que, effectivement, ce que tu disais, que le staff avait d'énormes capacités. En tout cas, ils croyaient beaucoup en eux pour développer beaucoup des linebackers. Bah exactement, je pense c'est la position sur laquelle, en fait, que ce soit outside ou même inside linebacker, c'est une position sur laquelle où je me fais absolument pas souci en interne sur le développement des joueurs. Que ce soit Mike Smith d'un côté ou même là du coup Mike Vrabel directement, hein, je pense qu'il doit pouvoir qui a la capacité de pouvoir coacher cette position. Zach Kerr aussi qui était coach de linebacker avant de passer d'ici. Maintenant du coup c'est Vinny De Palma qui était un quality control coach qui est passé du coup maintenant inside linebacker coach. Et je trouve que tout ce monde-là va réussir en fait à élever le niveau des joueurs qu'ils ont. Et on a pu le constater l'année dernière parce que même Christian Ellis, pour moi, je trouve qu'il a eu un bond entre son année d'avant et l'année dernière. Jack Gibbons, pareil, il a fait une très bonne année. Dommage qu'il soit parti. Spillane, on le savait que c'était un bon joueur, donc ça, c'était pas un problème. Mais tous les linebackers ont extrêmement bien joué. Et voilà, donc je trouve que cette position-là, c'est vraiment très bien coaché. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Spillane, Tyler Kyle, je le compare à Spillane. C'est parfait pour. Je peux le voir parce qu'au niveau du poids, c'est qu'ils ont quasiment le même poids. Genre, Obiazor est un peu plus grand que Spillane, mais c'est un peu le même profil. Ouais. C'est parfait pour se développer derrière Spillane et apprendre de lui. Ça colle exactement pour le coup au profit. Donc c'est encore un special teamer. Exactement, c'est encore un special teamer et on le dira pour le pic. Enfin, pour un pic suivant. Si j'ai juste un truc à rajouter, en fait, la différence, c'est que Spillane, lui, il a un QI football qui est vraiment énorme. C'est vraiment parce qu'il est athlétiquement, il est beaucoup moins athlétique. Mais vu qu'il a un tel QI, il arrive à identifier les jeux beaucoup plus rapidement. À l'inverse de Obiazor, qui a peut-être un QI football actuellement un tout petit peu plus bas, mais qui a des qualités athlétiques bien supérieures. Donc, si il peut apprendre de Spillane et se développer cet aspect-là, ça peut vraiment devenir un joueur intéressant à miser sur les années à venir, potentiellement. Allez, messieurs, on enchaîne sur les deux derniers picks de cette draft, et donc notamment le pick suivant, qui est donc le joueur qui va faire trembler Drake May, qui va lui faire perdre son poste de titulaire. Oh là là! Non, je. Ou en tout cas, une chose est sûre, c'est que lui-même l'a dit, il va l'aider à apporter des cafés si Drake May a besoin d'un café. Donc, ça, c'est pour trait de plaisanterie, c'est pour. Ça, je valide. Ça, en tout cas, c'est au pic 234, c'est Beren Morton, le QB de Texas Tech, donc qui vient jouer, en tout cas, prendre le poste de QB 3. De Vito étant aujourd'hui le poste de QB2 après le départ de Dubs. C'est un joueur de toute façon qui est un QB backup de développement qui est amené à terme à être très probablement un QB2. C'est un joueur de système, c'est un gestionnaire. Il n'a pas forcément un gros bras. Voilà. Est-ce que messieurs, vous voulez souhaiter rapidement présenter? Ils ont eu, en tout cas, ils se sont rencontrés avec Mike Daniels. Notamment lors du Top 30 Visit. C'est un joueur juste qui va être se développer en QB3. Qui va... Le but, c'est qu'il réussisse à peu près ses passes pour surtout notamment faire développer les running backs. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Ben, si je peux répondre vite fait. Moi, je suis pas hyper fan du joueur, mais je suis... on va dire, c'est le choix de prendre un QB, c'était logique. On sait que l'école de Elliott Wolf, il vient de l'école des Packers, il aime prendre un QB souvent. Et donc, un QB était probable à ce niveau-là, surtout qu'on s'est séparé de Joshua Dobbs. Après, le choix en lui-même, c'est un QB qui n'est pas très mobile, qui n'est pas hyper massif non plus, ni même très bon, je trouve. Et je pense qu'on aurait pu encore drafter un autre type de joueur, un autre profil à ce moment-là, un autre besoin, plus qu'un QB ou ce QB, étant donné qu'en UDFA, par exemple, il y avait un Hans King qu'on aurait pu aller chercher, un QB vraiment hyper athlétique de Georgia Tech. On n'aurait pas forcément eu besoin de payer du coup un pic avec ce choix quoi. Donc c'est juste ça, c'est plus le joueur le choix en lui-même, ça me dérange pas, mais c'est plus le joueur et peut-être le round, le pic. Oui, après il a l'air d'avoir une mentalité plutôt justement au service des autres, donc ça va être différent, ça va être au moins de ce côté-là, ça va pas être un fou encore, j'ai un fou en tout cas, une forte personnalité. Pour pouvoir se montrer, il va se développer tranquillement. Après, ça reste qu'un septième tour. Donc, ça peut très vite finir de toute façon en practice squad, sûrement, si on n'a besoin que de garder que deux QB dans l'hélice 53. Pierre, est-ce que tu veux en dire un mot de ce QB? Oui, donc, mais je pense qu'on a juste pris le meilleur QB à ce moment-là, le meilleur QB selon les Patriots, voilà, on avait décidé de prendre un QB. Je suis assez d'accord avec Nat, c'est pas un QB révolutionnaire. Evan Lazar le compare à Bailey Zappé, ça fera plaisir à certains chez nous. Mais faut pas en attendre tant que ça de lui. Voilà, c'est un quarterback de développement. On va tenter, c'est plus un pari qu'autre chose. Moi, je mets quand même une pièce sur le fait que l'année prochaine, il y aura un autre QB3 et que on en parlera plus quoi. Moi, ce que j'attends de ce QB, c'est qu'il soit à minimum faire des passes à l'entraînement pour pouvoir que les receveurs, et ça en parlera tout à l'heure, pour gérer la compétition des receveurs et pour que chaque des receveurs puisse montrer de quoi il est capable parce qu'il y a potentiellement des postes à prendre. Mais avant de parler des postes justement qui n'ont pas été draftés et d'en discuter un tout petit peu plus en profondeur tout à l'heure, un des derniers picks, et donc le dernier sur lequel on va parler ce soir, parce qu'on a déjà parlé de Kentavious qui était le dernier pick des Patriots, donc en pick 245, les Patriots sont allés chercher un running back, le running back d'Alabama, Jamarion Miller, profil qui est plutôt physique, qui va plutôt être sur des très courtes distances. Bon, dans un moment, est-ce que ce ne sera pas un running back plutôt directement de goal line, pour le coup, pour imposer sa force en physique. Encore une fois, un joueur d'équipe spéciale. Il va se battre pour le... C'est un septième tour. Il va se battre pour le poste de running back numéro 3, notamment face à un Lane Larrison et un Terrell Jennings. C'est un beau bébé qui va nous apporter, notamment, je pense, sur de la puissance sur la goal line s'il venait à jouer. C'est peut-être pas le profil le plus attendu. Moi, je m'attendais plus à un profil de pass catcher, un peu à la James White, comme on a pu avoir par exemple un Shane Vereen. C'est pas du tout le choix. Donc, clairement, ça veut dire qu'on se rend plus pour vraiment Trevion White va vraiment devoir venir le running back, vraiment backup là-dessus. On verra par la suite. Peut-être que ça sera Montgomery, le running back non drafté, qui fera peut-être, qui montrera des choses. Ou Larrison, peut-être aussi. En tout cas, Pierre, qu'est-ce que tu penses de ce choix de draft qui est Jam Miller? Ah, moi, je le vois, tu viens de citer les deux autres, Larrison et Jennings. C'est un choix de compétition, c'est-à-dire que tu viens mettre de la compétition au poste de QB3 avec un running back assez costaud, assez lourd, mais pour son poids plutôt solide sur ses jambes. Voilà, c'est ce qui se dit du moins. En tout cas, c'est pareil, c'est un choix cohérent aussi. À voir ce que ça va donner, parce que il y a quand même deux autres running backs qui ont déjà passé une ou deux années chez nous, donc il va devoir quand même se faire sa place. Je suis pas persuadé que ce soit gagné d'avance pour lui, quoi. Alors du coup, moi, si je peux rebondir, je suis pas hyper fan de ce pick. Je pense qu'en running back, on aurait pu en trouver un en UDFA. Mais ce que je peux dire sur lui, c'est, je pensais que c'était un profil plus à la Ramondre Stevenson, mais en fait, il a fait un 4-40 yards exactement comme Trevon Anderson. Mais en style de jeu, j'ai l'impression que c'est deux joueurs complètement opposés. C'est-à-dire que Trevon Anderson, on sent son explosivité quand il arrive à démarrer. C'est vraiment du 0 à 100. On se souvient du match contre Buffalo, même le match à Tampa. Alors qu'avec Miller, c'est un peu plus laborieux malgré son explosivité. Il a déjà pas une très bonne vision. C'est un one cut, genre vraiment, il fait un cut et après il va tout droit. Mais il n'a pas une très bonne vision derrière sa ligne. Il n'est pas non plus, c'est pas non plus un très bon bloqueur et c'est pas non plus un très bon pass catcher. Donc pour moi, en fait, son poste, j'ai un peu réfléchi sur ce choix de joueur parce que je pense que même Lane Larrison, je pense que ça peut vraiment être le RB3. Mais ce que Jam Miller peut être, par rapport à sa rapidité, c'est vraiment le kick returner. C'est un poste qu'on avait vraiment besoin durant cette draft. Parce qu'on se souvient, les returns retournés par Efton Chisholm, c'était vraiment atroce. Il n'y avait aucune explosivité. Et il nous faut en fait vraiment quelqu'un qui aille tout droit, tout simplement, qui suive ses blocs. Et avec un 4-43 derrière, je pense que ça peut vraiment être notre kick returner. On a pu voir l'année dernière avec Trevon Anderson quand il avait... mais remis son premier return dès son match de pré-saison. Mais après, on ne l'a plus jamais utilisé à ce poste-là. Je peux comprendre parce que c'est vraiment ton RB2 de qualité, donc tu n'as pas forcément envie de le blesser. Mais du coup, drafter Jamarion Miller à ce niveau-là, pour moi, ça souligne ça. Je pense que c'est vraiment le kick returner qu'on va avoir cette saison. Quand tu as commencé à évoquer les défauts, j'ai cru que tu parlais de Trevon Anderson. Quand il ne savait pas lire derrière ses blocs ou qu'il ne savait pas bloquer, c'est bizarre. Ouais. C'est littéralement les mêmes défauts qu'on a vu très bien dans la série. Et malheureusement, c'est pour ça que pour moi, c'est pas le pass catching back qu'on a tendance à connaître nous avec un James White par exemple ou un Shane Vereen. C'est pas du tout ce profil-là. Et ça, on le cherche encore. Donc pour moi, je pense que ça va être Lane Larrison qui a été bon là-dessus, qui peut vraiment être ce RB3. Mais Miller, ça va être RB4 et joueur de special team s'il reste sur le roster. C'est ça. Et Trevon Anderson, clairement, va devoir vraiment se développer et montré de choses beaucoup plus cohérentes et régulières que juste être de coup flashy comme ça. Parce que qui étaient ses qualités en sortie de collège deviennent ses vrais défauts, notamment je pense au pass-block. Il va vraiment devoir qu'il s'améliore et aussi en lecture de ses lignes aussi. Après, là-dessus, le rajout de Reggie Williams, c'est un ajout de taille. Hein. Je pense que tout à l'heure, c'est ce que tu voulais dire. Donc, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. Du coup, oui, tout à fait. Hook, c'est un énorme ajout, je pense. C'est une des recrues de la saison. Tant il avait fait du bien pour James Cook au niveau des Bills. Exactement. Pour moi, genre, que ce soit pour Ramondre Stevenson ou pour même Trevon Anderson, ça va faire la différence d'avoir un fullback. Qui n'est pas aussi massif que, par exemple, un Patrick Ricard, mais qui est très fluide et sur un schéma de jeu de course en zone, par exemple, ça peut être très intéressant, avec même, du coup, utiliser la rapidité d'un Trevon Anderson sur ses courses avec un cut et tout droit après. Mais je trouve que ouais, c'est un ajout de taille et avec Jonnell Hill, ça fait vraiment, ça fait que renforcer qu'on va retourner à la course la saison prochaine. Du coup, messieurs, il nous reste 5 petites minutes à peu près. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait une dernière pause et on va parler des postes qui n'ont pas été draftés où on a des interrogations. Allez, dernière partie de cette émission. Messieurs, on va parler des postes qui n'ont pas eu, en tout cas au niveau de cette draft. On en a eu, notamment dans les non-draftés. On va commencer peut-être par le plus gros morceau, l'éléphant un peu dans la pièce, le poste de receveur. On attendait potentiellement que les Patriots draftent un receveur, ce qui n'a pas été le cas du tout. Par contre, il y a eu beaucoup de receveurs pris en non-drafté. Clairement, Eliot Wolf l'a dit, il va y avoir de la concurrence pendant les camps sur ce poste de receveur. On ne peut pas ne pas cacher aussi la très très grosse rumeur, si ce n'est vu comment Philadelphie a drafté. Ce n'est même plus une rumeur, mais c'est juste quelque chose qui très vraisemblablement va arriver. C'est l'arrivée d'AJ Brown aux Pats. Ce n'est pas encore fait. Tant que ce n'est pas officiel, tout peut se passer. On ne sait jamais qui peut se réveiller au dernier moment. On va en parler un tout petit peu après de Jerron. Messieurs, on attendait un draft des receveurs. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, il y a de jolis profils en non-drafté. Donc, ça promet une belle compétition. Pierre, sur le poste de receveur, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi... Personnellement, j'attendais plus de receveur. C'est-à-dire que, en partant dans l'hypothèse où on avait prévu d'aller chercher AJ Brown, je considérais qu'on n'allait pas drafter de receveur et je m'attendais à ce type de recrutement non drafté derrière. On pourra en parler. Donc sur les receveurs, je pense qu'on a un corps de receveur qui est ultra complet, qui serait ultra complet avec AJ Brown si en effet il vient chez nous. Par contre, s'il vient pas, c'est un autre débat. Mais là, dans l'état, on a quand même déjà une certaine compétition. Rappelons qu'on a drafté l'année dernière Kyle Williams. On a recruté cette année Romeo Doubs. Donc je pense qu'il y a déjà une sacrée compétition au poste de receveur. Et il n'y avait pas besoin de la draft pour en amener plus. Maintenant, on attend forcément la suite et de savoir si AJ Brown rejoindra l'effectif et à quel prix. Voilà. On va en parler juste un peu après. Je vais vous demander un petit peu, on va jouer au jeu des devinettes et à quel prix il va arriver AJ Brown. Nat, la compétition, clairement, je pense qu'il y a de la compétition au poste de receveur. Certains sont clairement en danger. Keishon Booty, mais c'est plus un dommage collatéral de l'arrivée potentiellement d'AJ Brown. Demario Douglas, on sait que pendant l'intersaison, le staff a mis une pression sur ce joueur en disant qu'ils attendaient plus de lui. Donc potentiellement, c'est pas une place qui est garantie pendant les camps. À voir ce qui peut se passer, surtout que Booty et Douglas, ce sont des joueurs qui sont en dernière année de contrat. Et en même temps, Nat, des profils comme donc, dans les non-draftés, Cal Dixon, qui aujourd'hui a signé le plus gros contrat, qui fait donc un peu comme Efta Chisholm l'année dernière et CJ Dupree. un des plus gros contrats de non drafté, donc clairement peut-être un des sujets à suivre, et Jimmy Kibble également, dont on compare un peu son profil physique à un Cooper Kupp. Alors du coup, moi je suis assez d'accord avec Pierre, je ne suis pas choqué ou étonné qu'il n'ait pas drafté de receveur, surtout si il y a l'arrivée d'AJ Brown qui va arriver, je suis quasiment sûr hein, maintenant que ça, c'est un patriote AJ Brown, on ne va pas se mentir. Et sur la compétition, moi j'adore, tu ramènes 4 undrafted avec des profils en fait assez différents, je trouve. C'est-à-dire que l'habitude, en fait, souvent en undrafted, on a souvent des profils comme Efton Chisholm, le petit receveur blanc, slot receiver, on avait l'habitude de voir ça. Et là, du coup, c'est un peu l'inverse, on a des profils complètement différents. On a Kyle Dixon qui fait 6 pieds 4, qui est vraiment... immense. On a un Jimmy Kibble qui fait à peu près la taille de Kyle Williams, un tout petit peu plus grand, je pense, ou même un Cameron Dorner qui fait la taille de Keishon Boutte à peu près. Et puis on a des joueurs qu'on produit, un Cameron Dorner à North Texas. Je ne sais pas si vous avez un peu regardé la NCAA, mais North Texas, ils ont fait une super saison. Et c'est un joueur, lui, qui a fait un truc comme, je crois, plus de 50 réceptions, 900 yards, beaucoup de touchdowns. Donc, des joueurs qu'on produit, que ce soit Kibble, Dorner, même le joueur de James Madison aussi. Et, mais après, je me dis, je ne sais pas si, en fait, on va dire que si Boutte, il est tradé avant le début de la saison, bon, ça fait un joueur en main, mais je ne pense pas qu'ils vont se séparer des deux, que ce soit Pop Douglas ou même Boutte. Boutte peut-être le plus sûr à être déplacé, mais je ne suis pas sûr, je suis pas vraiment sûr. Et sinon, en fait, je me dis, quand on voit tous les autres joueurs dans l'équipe avec différents postes et la compétition, je vois pas vraiment un UDF faire l'équipe en fait. Là, moi, si je faisais un 53 maintenant, j'ai que 5 receveurs et c'est Pop Douglas. Donc, faudra voir qui de ces 4-là bat Douglas pour le dernier poste, ou même Mac Collins hein, potentiellement, parce qu'il lui reste qu'une année et c'est peut-être un profil qui peut être remplacé par un Kyle Dixon qui fait à peu près la même taille et qui court à peu près le même temps 40 yards, donc peut-être, mais je sais pas trop. Mais en tout cas, ça crée de la compétition et ça c'est sain. Alors faut voir, Kyle Dixon par exemple, je sais pas si il a le style de jeu de Dolins, qui est capable de réceptionner des ballons sur des 50-50. Ce qui a bien servi Derek May la saison dernière, donc je ne sais pas s'il rentre dans vraiment ce type de profil-là. C'est à voir, moi j'en vois aujourd'hui 4 à peu près sûr, si on comptait AJ Brown, il y a Hollins, AJ Brown, donc il y a quand même AJ Brown, Hollins qui reste un point d'interrogation, Dobbs forcément, et Kyle Williams. Le reste, même Douglas, je pense que ça peut vite partir même au début du camp. Étant donné que c'est en dernier contrat, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas, ou est-ce qu'ils veulent chercher tout de suite à récupérer un pic quand même avant de s'en séparer à la fin de la saison dernière? Moi, je pense qu'on va peut-être être sur 6, peut-être même, on ne sait jamais, hein. 7 receveurs me paraîtrait beaucoup. Faut voir ce qu'ils vont montrer au niveau des camps. Je ne pense pas qu'on soit sur 5 receveurs à la fin du camp. Je pense que ça va. Moi, je pense que 6, déjà, c'est beaucoup. 6, à voir vraiment s'ils ont un coup de cœur pour un des derniers undrafted. Je pense que Efton Chisholm, il est trop limité athlétiquement pour faire l'équipe, surtout quand ils amènent de la compétition. Quand on voit par exemple Jimmy Kibble ou Nick DeGennaro qui vient de James Madison, c'est des profils qui sont plus physiques, plus athlétiques, plus rapides. Donc je pense qu'Efton Chisholm, c'est probablement sa dernière année. Et sinon, moi, je vois Pop Douglas. En fait, moi, je le vois pas partir. Je le vois partir vraiment s'il y a un trade, une offre de trade qui est hyper conséquente, on va dire un quatrième tour, par exemple, potentiellement pour son niveau. Mais je le vois pas. Alors qu'il est bon, qu'on s'en sépare, par exemple, pour un cinquième ou un sixième tour, ça n'aurait aucun intérêt ou aucun sens pour moi, je trouve. Moi, je pense que si on s'en sépare pour un cinquième ou sixième tour, c'est pas si inintéressant. Ça vaut mieux que de l'envoyer, de le laisser partir à la fin de la saison. Ah, mais, pas forcément. Après, ça dépend. Oui et non, parce que tu peux peut-être selon. Ça dépendra du contrat qu'il signera derrière, hein, parce que ça se trouve avec les pics compensatoires, tu peux te retrouver à récupérer nativement un quatrième tour ou un cinquième tour. Hein. Alors certes, il ne faut pas que tu recrées des joueurs à même niveau de contrat, mais tu peux aussi te dire, on se regarde pendant un an. Et puis tu vois s'il y en est, ou tu le gardes pendant le début de la saison, et puis à un moment donné, tu le trades au moment de la trade deadline. Sur le fond, pour moi, Pop Douglas, il va faire la saison. C'est-à-dire que on a été déçu parce qu'on attendait beaucoup de lui et que finalement, à certains moments clés de la saison, il a été moins bon. Mais ça reste un receveur franchement correct qui, dans ce corps de receveur, qui est finalement profond que par la compétition entre les numéros 2 et au-delà, a largement sa place en fait. Il est pas dans une équipe où on a vraiment en numéro 2 Kyle Williams qui est drafté l'année dernière, Chizem qui a déjà eu de la chance d'avoir la saison qu'il a eue la saison dernière. Il a pu marquer un touchdown, mais voilà, il avait pas forcément sa place, même si on l'appréciait tous. Il a juste fait un camp de folie. Douglas, en fait, aujourd'hui, il a largement sa place. Hein. Affaire à suivre, en tout Oui, je cas, suis complètement c'est. d'accord. En Pour tout moi, cas, la c'est. compétition, elle est derrière. C'est-à-dire que je mets Mais le staff Douglas a mis en sa 4 pression. Le staff a mis la pression sur Douglas, c'est pas pour rien. C'est que c'est quelque part, s'il met sa pression, soit c'est sur la saison, pour dire bah si tu veux qu'on te re-signe, tu mets, soit c'est que je pense qu'ils vont lui mettre la pression dès le camp et que s'il montre pas quelque chose. Ouais, mais je pense qu'il a la pression sur lui-même. Il a une pression que sur lui-même, c'est une question de référentiel. Ouais, et puis Il a la même. pression. Il a la pression par rapport à ce qu'on attend de lui, mais pas par rapport au mec qu'il y a derrière. Pour moi, il a sa place dans les 5. C'est le 5e, voilà, ou le 6e si on rajoute un 6e, ce qu'on espère. Mais du coup, c'est pas un joueur qui est voué Alors, à au niveau partir talent, de. en fait, au niveau talent, oui, Moi, il part avec. mais à part au niveau talent, il a encore, mais il rentre, j'ai du mal, il rentre pas forcément dans le, enfin, il a du mal à s'inscrire dans le plan de jeu des Pats aujourd'hui. C'est pas suffisamment bon pour un slot. Dans le style de jeu, il est pas aujourd'hui. On l'a vu que quelques figurants plutôt sur de la vraie profondeur où il apportait des choses, mais c'est pas dans le poste où on le fait vraiment jouer aujourd'hui. Il est plus dans un slot, etc. Donc, en termes de talent pur, oui, il a sa place. Maintenant, si tu veux t'inscrire un peu plus dans la durée, est-ce que ça vaut le coup encore d'insister sur un Douglas et de se dire, bon, à un moment donné, on va pas insister pour insister, sachant que c'est ta dernière contrat que tu ne re-signeras pas. Est-ce que tu le gardes pour dire, non, mais je le garde quand même pour une saison et je le perds contre rien, tant pis. Ou est-ce que tu dis, non, non, Ouais, mais je le mais perds, en fait, le problème, c'est un projet même à pour le. Tu sixième. parles dessus. Ouais, Si on se mais le projette truc, sur c'est. le vrai slot, c'est un mec qui a 32 ans. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais en fait, déjà, le truc, c'est qu'il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui veuille de ton joueur et qui, en plus de ça, te donne une contrepartie intéressante. Donc déjà, c'est quand même deux gros points. Et après, en fait, il y a un autre point aussi. C'est-à-dire que là, actuellement, pour moi, il est dans l'équipe parce qu'il est bon, en fait, tout simplement. Il est bon et il produit. Et en plus de ça, il faudrait dire que les undrafted derrière ou Afton Chisholm soient meilleurs que lui pendant le training camp. Et ça, j'ai l'impression que c'est quasiment impossible. Il n'y a aucun des quatre là receveurs qui sont undrafted qui vont être meilleurs que Pop Douglas en année 3 ou 4. C'est impossible. Et Et c'est pas Afton et Chisholm. Chizem, c'est même pas. Non, vas-y, ouais. Non, non, je dis juste que Chizem n'est même pas un slot. Bah si, c'est un slot de base, hein, c'est vraiment un slot. Mais je vois même pas Afton Chisholm en année 2 être meilleur que Pop Douglas. C'est quand même quasiment impossible. Donc moi, je me dis, en fait, ça te coûte rien de le garder. Il fait une bonne saison, tu le re-signes. Il fait pas une bonne saison, bah tu le re-signes pas, et puis voilà. Mais au moins, tu gardes de la profondeur et tu te sépares pas d'un joueur voilà, qui produit quand même. Non, moi je vois pas du tout Afton Chisholm remplir le rôle de slot qu'on attend de Pop Douglas. Et je pense que Ah vraiment, mais le poste de slot, il est aujourd'hui. pour Dobbs, hein. Clairement, c'est Dobbs qui va prendre ce Oui, rôle-là. en plus, dans C'est tous les plus cas, Douglas, hein. Douglas, il va rétrograder, hein, dans la oui. hiérarchie. Il va être au moins 4, voire 5. Il va clair. Alors, sauf Et si. bah, je pense qu'il va être 4. On va dire qu'il va être 4 bis avec Collins. Oui, c'est ça. Ou alors, En ou fait, 3, ou. ils apportent deux choses complètement différentes. C'est ça le truc. Ouais, 3 ou 4 bis selon si on fait venir AG et qu'on garde tout le monde. C'est C'est purement sûr volontaire, je vous qu'il. cherchais sur Douglas, parce que vu qu'on parle de compétition, c'était pour vraiment mettre un peu, je pense, tous les receveurs qui avaient potentiellement des doutes sur la table pour pouvoir voir qui se gouverner. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile de se dire que tu vas garder deux noms draftés. Il y en aura un qui sortira potentiellement du lot, peut-être un autre qui finira en practice squad, il se développera en practice squad, mais de toute façon, on verra bien. Ça se trouve, il n'y en aura aucun qui sortira du lot et fin de l'histoire. Donc, mais ça promet des beaux duels et ça promet des choses à suivre. Donc, en tout cas, et c'est là où d'avoir des bons QB2 et QB3 qui savent faire des passes, ben, ça permet d'évoluer, de pouvoir faire évoluer ces receveurs-là au sein de la compétition. Si tu as des QB qui ne savent pas lancer un ballon, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Très rapidement, monsieur, parce qu'on a déjà débordé, un mot quand même sur notre defensive tackle. On attendait forcément, dans beaucoup de rumeurs, on voyait que potentiellement les Pats pouvaient drafter un defensive tackle. On n'a au final que David Blais en non-drafté qui arrive. Nat, si tu veux nous en dire un petit mot sur les defensive tackles. C'est un profil plus run stopper et qui peut avoir un petit upside en tant que pass rusher intérieur. C'est exactement en fait une copie de Corey Durden ou de Leonard Taylor. Ils ont à peu près la même taille, le même poids. Et d'ailleurs, il vient de la même fac que Leonard Taylor de Miami. Et c'est une fac que notre front-office connaît bien parce que Elliot Wolf, c'était un ancien étudiant à Miami. Et Alonzo Highsmith a été dans le front-office de l'université de Miami. Donc il y a toute une connexion là-bas. Donc ça ne me choque pas du tout qu'on signe un mec de Miami. Et en plus de ça, du coup, un defensive tackle qui était pour moi un besoin. Hein. Clairement, pas forcément un profil comme David Blais. Moi, j'aurais bien apprécié un nose tackle, un vrai pur nose tackle. Mais bon, je pense qu'ils font confiance à Eric Gregory, qui est aussi sur le roster. Mais voilà, donc c'est un ajout qui est intéressant, qui va amener de la rotation. Je ne sais pas s'il va faire le roster, mais c'est qui vient d'une grosse fac en plus, donc ça peut être intéressant. Dernier petit mot, on n'a pas précisé aussi dans les running backs, Miles Montgomery aussi, qui potentiellement va venir se battre au camp en tant que Ian Miller et Lane Larrison. À voir ce que ça peut donner. Oui, qui a un vrai profil athlétique aussi. Il est pas très grand et pas très lourd, mais il est pour autant très athlétique, il court vite. Donc ça apporte de la compétition aussi. Dernier petit mot, messieurs. Moi, je m'attendais à un poste de drafter de punter. Parce que le punter des Patriots était un peu en difficulté en cette fin de saison, ce qui n'a pas été le cas, non plus dans les noms draftés. Au final, le seul punter qui va arriver, c'est pour l'instant au mini rookie camp qui arrive à la fin du mois de mai, je crois. Oui, ça, je crois, fin du mois de mai. Au final, messieurs, on se dirige plus peut-être vers une continuité au poste de punter, alors qu'on a vu en fin de saison que c'était un peu plus difficile. Alors, pourtant, lui, notre punter Beringer, qui avait pourtant à la base drafté parce qu'il avait une grosse jambe. Ça a été un peu plus difficile pendant la saison. Messieurs, est-ce que vous voulez dire un mot, notamment, d'un non-recrutement, sauf celui pour le camp rookie, d'un punter? Moi, je pense qu'on va, de toute façon, on va forcément apporter de la compétition à Beringer lors des camps. Donc, on va en voir d'autres passer, je pense. À mon avis, le test, là, c'est juste le premier de l'intersaison. Mais il y a un monde, en effet, où on compte à nouveau sur lui pour la saison à venir. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ça va être notre punter sur cette saison. Mais on va amener de la compétition pendant les training camps. C'est quasiment obligé. Quand on voit qu'ils ont signé un nouveau long snapper alors qu'on en a drafté un l'année dernière, j'imagine, au vu de la saison de Beringer, qui vont amener de la compétition cet été. Enfin, c'est un essai aussi, le long snapper. C'est pas une signature. Non, c'est une signature. Non, c'est une signature. Il y a sur notre roster, on a ouais, mais ça date d'il y a plusieurs mois. Hein. Ah, je croyais que c'était un essai. Okay. La los. Ah oui, c'est la los. Ok, d'accord. Ok. Messieurs, dernière question avant. J'en ai une autre après. J'attends ta question, mais si c'est, je te laisse la poser. Si c'est pas ça, je vous la poserai ensuite. Ok, allez. Vas-y. Petit pari, messieurs. AJ Brown arrive aux Pats. Faites vos offres. Il arrive. À quel prix? Alors attends. Dans ce cas, il vaut mieux qu'on parle après. Moi, j'ai une question à vous poser. Vas-y. Avant, si tu me permets. Vas-y, je t'en prie. Non, je voulais juste deux mots du poste de safety. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, pardon, j'avais oublié le safety. Tout. Ah ouais, complètement, t'as raison. Je voyais bien un besoin de renfort en profondeur, et c'est pas un besoin qui a été couvert par la draft, ni par les non-draftés. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus, parce qu'à mon sens, on est un peu short avec juste un Woodson et un Bayard, avec mon Pétus derrière, mais ensuite, on n'a pas grand-chose d'avance, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, c'était C'est un poste qui, secrètement, je voulais vraiment qu'on drafte même à partir du troisième tour, aller chercher un vrai free safety comme Bud Clark, par exemple, qui partait assez haut. Je trouve ça dommage, mais en même temps, je me dis, est-ce que ça cache pas en fait une confiance derrière des joueurs qu'ils ont recrutés ou qui sont sur practice squad? Je vois, ils ont, par exemple, ils ont signé Mac Brown, safety, donc peut-être qu'ils pensent que Mac Brown, ça peut, il est encore jeune, qu'il peut aussi prendre des snaps aussi en défense. Et puis, il y a aussi John Saunders, celui qui était à Miami, qui est sur la practice squad, mais qui peut-être peut être développé en tant que free safety. Mais dans tous les cas, c'est, je pense que c'est, ils ont déjà confiance dans ce qu'ils ont, mais c'est un besoin qui sera probablement adressé la saison à l'intersaison prochaine, parce que ça reste quand même assez crucial de trouver un remplaçant pour Kevin Byard qui a 32 ans, je crois, un truc comme ça. Oui, surtout qu'il a signé qu'un an. Non, d'accord. Il n'y a pas forcément de jeunes pour former derrière. C'est alors à moins que il considère Dalpetus comme effectivement la relève. Et Dalpetus, pour moi, c'est vraiment un strong safety. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de regarder. Safety, oui, c'est pas du tout un free safety qui peut prendre une couverture vraiment tout seul derrière. Ouais, et puis, t'as pas forcément d'undrafté dessus non plus. Non, c'est clair. Est-ce que... Pour te donner une idée, les depth charts des différents médias, le remplaçant de Bayard, c'est Schooler. Ouais, c'est catastrophique. Non, mais c'est... Schooler, voilà, qui a eu 3 snaps sa première année ou la deuxième année, là. Quand il avait fait un sac et tout ça, là. Je sais pas comment les Pats vont y répondre à ça. C'est une vraie interrogation de savoir effectivement quel profil... Après, il y a un point positif, c'est que Kevin Byard, c'est un joueur qui est quand même... qui dure... qui est rarement blessé, donc il y a aussi ça, je pense que c'est aussi un facteur. Oui, mais tu peux faire confiance à un joueur qui va. Tu as raison, mais c'est un joueur qui. Oui, mais après ça t'empêche pas de le re-signer l'année prochaine. Mais je pense là, je parle juste de cette saison-là. Oui. Sur la saison, je pense que déjà t'es sûr d'avoir quelqu'un qui va faire quasiment tous les snaps, quoi. Mais ça va être déjà intéressant de savoir quel joueur va être aligné au niveau des Pats quand on va faire les matchs de pré-saison. Ça va être une vraie question, parce que je pense que Woodson et Bayard n'ont pas joué tous les matchs de pré-saison. Donc, quelle rotation meilleure derrière? Moi, j'aimerais bien. Bah, Dalpetus, on voit un peu son niveau quand il rentre sur le terrain. Il arrive à faire quelques plays. Donc, je pense qu'il peut progresser encore. Mais celui que j'ai vraiment hâte de voir, pour voir s'il a progressé ou pas, c'est John Saunders. Parce qu'il est quand même arrivé très tôt dans notre practice squad. Donc, il a quand même eu quasiment une année complète dans l'équipe pour s'entraîner. Et lui, c'est vraiment un profil de free safety. Donc, j'aimerais bien qu'on voit vraiment pendant la pré-saison s'il y a eu un axe de progrès ou pas. Voilà, et on a le. C'est lui qui va jouer, vu qu'il n'y en a recruté personne. Probablement, ouais. Ah, ça va être bien. C'est un DB polyvalent. Hein, donc, il aura peut-être des répétitions en safety s'il va jusqu'à la pré-saison. Ça va être en tout cas un des sujets, mais on en reparlera. Dans la future émission qui présentera. Je vous fais une dernière blague, les amis. La depth chart d'ESPN, le remplaçant de Kevin Byard, c'est Julian Ashby. Oui, d'accord. Ok, ah oui, d'accord. Ils en sont restés, voilà. Okay. Ah oui, donc, on va laisser vraiment... on dirait les rosters sur Madden. Oui, mettre les snappers en Kevin. Exactement, on dirait le bug de Madden. Bah, écoutez, très bien. Très bien, très bien sur le bug de Madden. Allez. C'est un long safety. Tout à fait. On sent pas du tout qu'il n'y a pas du tout un bug. Allez, messieurs, avant de conclure, AJ Brown arrive aux Pats. Nat, c'est quoi le prix qu'on va payer les Pats pour faire venir AJ Brown? Alors moi, je l'ai dit, hein, moi, ça va être un premier. Bah là, ils l'ont dit, hein, Adam Schefter, ça va être un premier 2028. Et je pense que ça va être un premier. Et je pense que ça va être un premier avec un autre pic attaché à ça. Ou un joueur. Donc, si c'est un pick, je pense que ça va être un troisième tour de l'année prochaine, hein, 2027. Ou un joueur, donc, Keishon Boutte, un truc comme ça. Mais en fait, ça, c'est pas moi ce que je veux ou ce que je souhaite, ça, parce que moi, je donnerais pas ça. C'est beaucoup trop. Mais je pense que c'est la réalité du marché et je vois pas pourquoi les Eagles, ils bougeraient pour moi, en fait, sachant qu'ils peuvent avoir ça. Parce que pourquoi alors ils vont pas se dire Jalen Waddle, il est parti chez les Broncos pour rien, donc nous en fait AJ Brown, qui est un joueur pro bowler qui fait des je sais pas combien de saisons à plus de milliards, on le vendrait pour moins. Donc ça sera, je pense, un premier tour et un autre pick de l'année prochaine. Ouais, je suis comme Nat, c'est pas ce que je veux, mais j'ai peur qu'on le paye trop cher, et en l'occurrence au moins un deuxième tour. suis pas persuadé qu'on aille jusqu'à lâcher un premier tour. Je pense que ce serait un peu inconscient de la part du staff, mais même si il est très bon, hein, franchement, c'est un joueur extraordinaire, mais pour garder des cartouches, lâcher un premier tour en règle générale, c'est quand même pas bon signe. Donc, bon, je vais miser sur quelque chose comme un deuxième tour, et même ça, je suis contre. Voilà. Oui, moi aussi, je trouve que c'est beaucoup trop cher un deuxième tour. Je pense que c'est plus des appels du pied encore du GM des Eagles en disant ouais, parce qu'il veut absolument son premier tour. Et je pense que les Pats ne veulent pas le lâcher. Donc, ils mettent, même s'il y a un accord comme quoi il y a un échange, je pense qu'ils continuent à mettre une pression de ce côté-là pour essayer absolument de gratter ce premier tour. Donc, moi, je vais partir plutôt effectivement sur un deuxième tour. Mais ça va être un package ici, effectivement, deuxième tour 2028 avec un quatrième tour 2027. Je vois pas de joueur parce que je pense que sinon les Eagles n'auraient pas drafté comme ça. Ils n'auraient pas drafté et recruté autant de receveurs. Donc je pense pas que Keyshawn Boutti soit dans la balance. Je pense plutôt que Keyshawn Boutti va falloir que les Pats trouvent une équipe acheteuse. C'est là où ça va être un poil plus compliqué. Et que le prix va baisser parce que je pense que tout le monde va savoir que Keyshawn Boutti, ben, on veut le vendre, mais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dessus. Mais je vois plus effectivement un deuxième tour 2028 avec un quatrième tour 2027, voire même un troisième pick potentiellement, ou alors un deuxième tour 2028 qui, selon les snaps de 2027, va peut-être se transformer en premier tour. Peut-être un truc conditionnel comme ça. Même si je les vois pas. Je ne vois pas, je pense pas Elliott lâcher un premier tour, même si je peux sûrement me tromper, et ça on le verra très rapidement au niveau du 1er et 2 juin, notamment quand le trade sera officiel. Et on essaiera de Moi, je faire. pense qu'il y a quand même quelque chose. À mon avis, il y a quand même quelque chose qui joue en notre faveur. Et c'est là que je pense qu'il y a une possibilité qu'on lâche pas un premier tour. C'est que Brown lui-même, à mon avis, il n'a pas envie de rester là-bas. Donc, garder Brown parce que tu as refusé un deuxième tour, du point de vue des Eagles, c'est peut-être pas une bonne idée, tu vois. Après, vu comment les Eagles sont draftés, c'est qu'il y a déjà un préaccord de quelque part. Parce que Oui, certainement, mais bon. il y a forcément un truc. Donc, mais ça, on le saura. Il faudra attendre un gros mois pour attendre début juin. Et on essaiera de faire une émission là-dessus une fois que le trade sera effectif. De voir quel va être le package. J'espère qu'il sera pas trop élevé, même si malheureusement, j'ai bien peur du contraire. Du coup, on arrive, on avait dit 1 heure, bah finalement, on va être quasiment sur 1 heure et demie. Merci, messieurs, merci Nat, merci Pierre de m'avoir accompagné pendant cette émission. Merci à toi. Non, merci les gars, hein, merci pour l'invitation et ouais, c'est très content de faire partie de l'aventure. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous à la prochaine émission qui sera, on espère, normalement liée au trade d'Edge Brown. Sinon, on se retrouvera. Peut-être qu'il y a d'autres émissions qui arriveront entre-temps, sinon plus tard on en fera une, pour vous donner toutes les clés pour décrypter le camp de pré-saison. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'oubliez pas le fan club français des New England Patriots partout, toujours. Bonsoir à tous!